armes dans les cœurs alentours. Et le monde à tes pieds attend que tu l'enchaînes. Aveuglé par l'aurore, il fait de toi sa reine. Et je prie en ton nom, Maria, à genoux face au vide. Je te donne un sourire, un amour, un passé, Maria, pour que tu ne sois plus qu'un vaste champ de rite. La mer est un cadeau que tu offres aux noyés, et le temps un vieux con qui ne t'étreint jamais, qui emprunte ta route et qui prend son complexe, et tes yeux et ta chair, et ton nom et ton sexe. Maria, tu t'envoles sans perdre un seul amant, n'oublie de tes amours que les derniers instants. Et je prie en ton nom, Maria, à genoux face au vide. Je te donne un sourire, un amant, un passé, Maria, pour que tu ne sois plus qu'un vaste champ de rides. Sois plus qu'un vaste champ de rides.